Chapitre 4. Le chenal. Décidé à rejoindre Sabine, je m'ingéniais à en trouver les moyens. Un des petits troncs d'arbres de notre plancher, je le façonnais en godille avec mon couteau, et l'exercice de cette espèce d'aviron m'étant familier depuis l'enfance, j'arrivais à parcourir 14 à 15 mètres à la minute. Certes, il faudrait ainsi bien des heures pour atteindre la rive invisible, mais l'action me coûtait moins que l'inaction. J'étais heureux de me prodiguer pour mon ami, et je sentais déjà en récompense de l'effort me venir l'espoir. Tout le reste du jour, ma godille tourna dans l'eau. Le soleil déclinait lorsque j'aperçus les premiers arbres et les premières collines de la rive. Dans la décision sur le choix de mon atterrage, j'éveillai l'enfant. Il me montra, à 1 kilomètre sur la droite, un point marqué par le moutonnement d'une grande forêt. Bientôt, nous trouvâmes l'entrée d'un vaste chenal, et sur l'ordre de l'enfant, j'y engageai le radeau. Les eaux étaient si lentes qu'elles semblaient plutôt sortir d'un lac que descendre d'une montagne. À droite et à gauche, sur les bords, en piliers colosses, des arbres jaillissaient du fleuve, formaient de gigantesques colonnades. Une impression de froid tombait des branches ouvertes comme de vastes mains. Le couchant se tenait au fond du chenal, et l'onde apportait dans ses plis quelques sanglantes clartés. On voyait sous l'eau le tronc des arbres à 15 pieds. Il errait de gros poissons aveugles, d'énormes crustacés verdis d'algues, et surtout des céphalopodes d'une espèce inconnue, aux yeux immenses. Tout dénonçait la vie de l'ombre, pâle, fiévreuse, la fécondité blême des bêtes et des plantes qui ont renoncé à la lumière. Des algues admirables tapissaient les endroits peu profonds, longues de plusieurs mètres, traînant leurs cheveux fauves dans le sens du courant. Des lichens, largement ciselés, s'étendaient en strates bizarres, et partout pâturaient des insectes, semblables à des tortues aux énormes boucliers ovales. Une araignée, grosse comme le poing, suspendue aux branches par un fil, plongeait pour saisir des proies molles. De grosses mouches blanches volaient sur des champignons livides. Ma godille dérangea un mammifère à bec d'ornithorynque, et il voletait des nuées de chauves-souris. À mesure que nous avancions, l'ombre tombait davantage. Le chenal levait plus haut ses collines, ses arbres penchés, et j'avançais dans une grandiose horreur, dans une passion de ces terribles choses qui n'avaient de comparable que mon désir de revoir Sabine. L'enfant s'était rendormi. Les dernières draperies sanglantes se plissèrent sur le flot. Des ténèbres absolues voilèrent la route. Je me mis à l'avant du radeau et je pagayai une bonne partie de la nuit dans l'obscurité. Chapitre 5. La forêt lumineuse. Je suppose qu'il était environ minuit quand l'enfant se réveilla. Son épaule allait beaucoup mieux. Nous avions faim et il parvint à découvrir des noix comestibles. Après le repas, je m'endormis d'un léger sommeil. Quand je me réveillai, la lune devait être quelque part sur la gauche, car il venait de ce côté une lueur spectrale à travers les bois. C'étaient de vagues images de mousseline, un flottement nébuleux de blancheur, comme un grésil sur la forêt. Parmi la colonnade, il régnait une ombre de cave, éclairée seulement de quelques dos phosphoreux de poissons. Je me remis à la pagaie. À cause des précautions, j'avançais avec une lenteur extraordinaire, si bien qu'en 3 heures, je ne fis pas 2 kilomètres. Une sorte de falaise obscure se dressait alors devant moi, tandis que sur la gauche venait une singulière éclaircie. Et vraiment, était-ce déjà le soleil? L'aube filtrait-elle maintenant à travers la forêt? Je dirigeai le radeau vers la clarté. 10 minutes suffirent pour tourner le coude, et un vaste paysage plus brillant qu'un paysage de neige sous la lune, apparut. Pourtant, ni la lune ni le soleil n'éclairaient. Une luminosité errante, aux larges moires, reposait sur le fleuve, étendu maintenant aux proportions d'un lac. Les eaux qui se perdaient, très lointains dans une forêt inondée, étaient basses, car on voyait les premières bifurcations des racines des arbres. De ces racines partit la lumière en cercle dense qui allait se dégradant. Mais elle était sans ombre, comme une nappe colosse de flammes rases, et partout la lueur se mouvait, ondulait, s'éteignait, s'avivait, se plissait. Elle coulait des buissons en cascatelles rutilantes, s'éparpillait en guêpes de clarté à la brise, et aux places rares où l'eau pouvait la réfléchir, oscillait largement. Un vaste, un stupéfiant silence régnait. Je restais immobile au seuil de cette féerie. Ma plus lointaine enfance guidait tous mes actes. J'avais de cet âge la naïve admiration et la mystérieuse terreur, l'invisible curiosité et l'horripilation de l'occulte. Je me crus à quelque ville de légende où les hommes des eaux auraient trouvé moyen d'éclairer le dessous du lac. Je me figurais cette humanité nouvelle, inaccessible à ma faiblesse. J'eus, moi le représentant des races supérieures, l'impression peureuse, mélancolique, résignée, des races vaincues. D'innombrables choses croulèrent en moi qui n'y étaient que par la certitude d'appartenir à la plus haute humanité. Je compris le glissement à l'abîme de nos pauvres rivaux, la vie réfugiée aux rêves, aux théories confuses, aux consolations du nirvana. Cependant, le phénomène se compliqua de la présence d'un être. C'était, tout là-bas, sur un îlot, un homme dont la silhouette se mouvait sur le fond de lumière. Cette silhouette géante atteignait aux premières branches d'un frêne, à 3 mètres du sol. Elle était très mince, et je vis bientôt que toute sa hauteur tenait dans ses jambes. 3, 4 autres hommes semblables parurent sur l'îlot, puis ils entrèrent dans l'eau qui leur venait à la ceinture. D'un pas rapide, ils se dirigeaient vers nous et j'éveillai mon compagnon. Effaré, ébloui de la trop vive lueur, il porta la main à ses yeux pour mieux voir, et rien dans l'exclamation qu'il poussa n'exprimait la surprise ni la frayeur. Cependant, les hommes approchaient. Selon la profondeur, on voyait émerger leurs bustes plus ou moins. Parfois même leurs jambes ne plongeaient pas, et j'eus le temps de reconnaître que ces jambes, excessivement grêles, correspondaient à des bras d'une longueur démesurée, secs et minces comme des lianes, et recouvertes d'écailles jaunâtres sans traces de poils. Le tronc était au contraire velu et blanc, la poitrine exiguë, la tête petite, aux grands yeux froids dans une excessive mobilité. L'enfant semblait prendre plaisir à leur présence, un plaisir mêlé de raillerie. De loin, il leur parla. J'écoutai avidement leurs réponses. Ils n'avaient pas la voix batracienne, l'accent humide, le clapotement des lèvres de mes hommes des eaux. Mais au contraire, le son sourdait en basse taille de leur poitrine et ils articulaient dur, coupant les syllabes d'un martèlement continu des mâchoires. Grave, ils entouraient notre radeau. Tout leur être donnait l'impression d'une race triste, confinée à des territoires ingrats. Dans la demi-clarté, ils apparaissaient d'un blanc de vie souterraine. Leurs cheveux pâles, couleur de cendre, les poils de leur poitrine moins foncés que ceux du dos. Je ne sais pourquoi leur présence m'apitoya. Peut-être l'attitude protectrice de l'enfant, peut-être un instinct qui me montra dans ces gens, à la tête étroite, des parias. Je me les figurais comme ayant raté leur métamorphose, rejetés par de puissantes nations mongoles dans ces contrées palustres, inaccessibles au reste des hommes, ils avaient dû vivre de prudence et de réserve. L'effort permanent de trouver leur nourriture dans les marais et les étangs avait à travers les siècles allongé leurs membres. Puis de nouvelles peuplades de même origine étant survenues, soit qu'une impulsion plus ferme les eût portés jusqu'au grand lac, soit que le temps eût amélioré la région, ces derniers venus avaient pu choisir une adaptation audacieuse et souveraine, se faire amphibie, laissant loin derrière eux les tristes précurseurs réduits à la fréquentation des eaux sous-forestières et peu profondes. Je compris que l'enfant les priait de pousser le radeau, et ce semblait plutôt un ordre qu'une prière. Bêtes et doux, ils obéirent avec mélancolie, et je pense avec le sentiment de leur faiblesse. Notre radeau glissa à travers la forêt lumineuse. Le rêve baignait cette scène de rêve. Les remous de notre passage faisaient au loin des strates radieuses comme sont les reflets des belles nacres, mais à l'endroit où nous passions, c'était la déchirure d'une étoffe d'argent, laissant derrière elle un sillage sombre, tandis qu'à droite et à gauche, des condensations de lueur se traçaient en longs replis. J'examinai les eaux avec attention, j'y plongeai la main que je retirai flamboyante, et je reconnus de petites cellules végétales où mes études postérieures me permirent de reconnaître des zoospores d'algues, animées probablement à l'époque de la reproduction, d'un mouvement semblable à celui des têtards, et de plus phosphorescent. Après des heures de course, le chenal commença de se rétrécir, et bientôt l'eau monta jusqu'à la gorge de nos pauvres échassiers, haletants. Ils nagèrent quelques minutes, puis, rendus, ils abandonnèrent le radeau et gagnèrent la rive. Nous étions juste au seuil des ténèbres, car la nappe de zoospores ne s'étendait pas dans le chenal rétréci. Je criai des remerciements à mes aides. L'enfant aussi leur envoya des paroles cordiales. Ils y répondirent par le martèlement confus de leurs lourdes voix et se mirent en marche sur la rive. À mesure qu'ils s'éloignaient, mon intérêt pour eux allait croissant. Rien de plus humble, de plus pitoyable que leur triste squelette. Soit qu'ils le pliassent comme de bizarres marsupiaux, ou que, debout, ils eussent la mélancolie des êtres trop frêles et trop longs. La dernière fois que je les vis, ils trottaient sous les branches, et leur théorie de mortelle pâleur semblait mue comme les pattes de faucheux coupées par une désolation mystérieuse. Je m'étais remise à pagayer. L'eau devenant plus profonde, les arbres plus rares, je fis un peu de chemin dans les ténèbres. L'enfant s'était, je pense, rendormi. Toutes mes sensations furent alors des sensations de rêve. Il me paraissait qu'un trou noir aspirait le radeau, que j'allais sombrer à quelque abîme, que jamais je ne retrouverais la douce sensation de mes lèvres sur la chevelure de ma bien-aimée. Mon courage faiblissait, et je me rappelais cependant des minutes presque aussi âpres endurées avec patience au cours de notre voyage. Mais alors il y avait l'énergie de Devreuse, la présence de Sabine, des compagnons européens. Surtout les périls étaient prévus, la lutte entreprise contre des forces cataloguées. Maintenant la solitude, l'embûche, des hommes infiniment puissants, infiniment différents de nous, et ces ténèbres, cette forêt interminable, cette crainte, avec mon cœur affaibli, de quelque nouvelle aventure prodigieuse, où il me semblait qu'aurait défailli ma raison. Ma pagaie ne battait plus le flot que de coups espacés et inefficaces. Le vertige de l'ombre tremblait devant mes yeux. Il vint des périodes où je ne savais exactement si je pagayais encore, si je m'étais arrêté. D'autres où je me croyais tantôt errant par des ruelles urbaines, tantôt assis au haut d'un phare. Et alors je me secouais pour retrouver la rivière, la nuit, le radeau. Je murmurais des paroles sans accord avec l'heure et l'endroit. Enfin, je sentis que je tombais décidément dans l'inconscience, et je me souviens que mon dernier effort fut pour me reprocher la dérive probable du radeau et pour apercevoir l'aube telle qu'un trou clair dans le chenal. Chapitre 6. Sous l'orage. Quand je me réveillai, le radeau marchait d'une bonne vitesse. Nous avions franchi le chenal. Nous nous trouvions en plein lac. Il faisait terriblement chaud. Des nues immenses cachaient et découvraient tour à tour le soleil. Je cherchai des yeux l'enfant. Je le vis à l'arrière, immergé, poussant le radeau de son bras valide. Il me sourit, me montra vers le nord un pays de collines caverneuses. « Est-ce là ? » dis-je. Son geste fit oui, et il pressa sa main sur sa poitrine, ce qui, dans notre langage, signifiait Sabine. « Sabine !» J'invitai l'enfant au repos. Il s'y refusa. Alors je pris la godille et je ramai. Les gouttes d'une large sueur me baignaient. Des nues basses venait une pesante électricité. Les flots, sans trop de brise, houlaient, courts et actifs. À notre droite, la sombre toison de la forêt s'embrumait de plus en plus, et par un défilé, plus loin que les collines caverneuses, dans une sorte de désert, des tourbillons de sable cachaient tout le ciel. J'éprouvais l'angoisse qu'on éprouve dans ces crises, et aussi je ne sais quelle émulation, quelle rivalité de l'homme contre les éléments. L'enfant poussait activement, je maniais la godille avec raideur, et nos efforts combinés nous approchait de la côte. Nous n'en étions plus qu'à 100 mètres lorsque la tempête éclata. Sa fureur insensée couvrit instantanément le lac de vagues effroyables. Une trombe me souleva, m'engloutit, me ramena à la surface, et les fouets humides de la pluie me flagellaient, m'aveuglaient. D'ailleurs, tout le paysage avait disparu dans la grisaille. Je me tenais convulsivement accroché aux poutres du petit radeau dont les liens cédaient. Je pressentais le moment où je serais laissé sans appui. L'enfant avait disparu. J'estime qu'à 2 ou 3 mètres sous l'eau, il se riait de l'ouragan et me surveillait. Et comment en aurait-il été autrement, puisqu'un dernier effort, le coup de queue de la trombe, ayant définitivement disloqué mon radeau, moi-même projeté loin de tout appui, je fus saisi et emporté vers la rive. L'enfant montra de la crainte au premier coup de tonnerre. Ses coups, d'abord étouffés sous les basses nues irrégulières, bientôt eurent un fracas épouvantable quand la voûte fut plus haute et plus homogène. Les éclairs mordaient l'eau d'un zigzag bref où s'allumaient, doux et larges, comme des lunes électriques. Les vagues, visiblement, s'élançaient vers le ciel, tandis que des nues descendaient, lentes d'abord, capricieuses. Mais bientôt tout le lac se couvrit de flammes et de vacarme. La terreur de l'enfant me réveilla. Je lui fis signe de s'abriter au fond du lac et que je l'attendrais. Il accepta, bondit, disparut sous l'énorme agitation. Resté seul, je bravai orgueilleusement la foudre. L'intarissable torrent coulait sur moi comme un ruisseau sur la montagne. J'ôtai tout le superflu de mes vêtements et nu jusqu'à mi-corps, j'entrepris d'explorer les environs. On n'y voyait pas à 5 mètres, dès que le ciel restait sans éclair. Mais c'était rare. Le lac et le ciel, luttant de tensions électriques, peuplaient l'espace de reptiles phosphoreux. 2 fois, le choc me renversa. 2 fois, je me relevai avec un ricanement. Je me sentais au fond du malheur, dans la volupté noire des désespérés. L'orage, ses menaces, son tumulte infernal, sa pluie sur moi comme d'insultantes lanières, me donnait l'âme de quelque fanatique hindou, de quelque saint martyr de la primitive église. Par les fumées d'un sol humide et surchauffé, à travers les grilles nettes de la pluie, j'entrevoyais les cavernes, je m'en approchais peu à peu. À 50 pas, sous un magnifique éclair, je tombai tout du long sur le sol, mais ce ne fut pas du choc électrique. Ce fut de voir Sabine au seuil d'une des cavernes. Elle se tenait assise sur une grosse pierre et regardait l'orage. Personne n'était auprès d'elle. Je ne me relevai pas. Je rampai doucement. À mesure, je m'apercevais qu'elle était bien seule. Comme elle fermait les yeux à chaque éclair, elle ne me vit pas. Toujours rampant, je me demandais s'il fallait entrer dans la caverne. Des hommes des eaux ne s'y cachaient-ils pas ? Puis une certitude brusque. Ainsi que mon compagnon de voyage, les ravisseurs de Sabine, par frayeur du tonnerre, s'étaient mis à l'eau. Alors, surpris que Sabine ne songeât point à s'évader, je m'aperçus qu'elle avait les pieds et les mains liés. Ma joie fut si prodigieuse que je restai bien 2 minutes haletant parmi le déchaînement des horreurs. Enfin je pus bondir, me trouver éperdu aux pieds de ma fiancée. Elle me reconnut. Elle eut vers moi un geste d'élan, mais sa faiblesse l'emporta et je reçus sur ma poitrine sa tête évanouie de bonheur. Elle renaquit sous mes baisers. Rien qu'à voir ses deux yeux bleus, sa bouche pure, la grâce de son front, je sus qu'elle avait échappé à tout outrage et mon cœur d'amant fut large à tenir le monde. Sabine délivrée, nous partîmes dans la pluie. Tout me parut bien dans l'univers et les éclats terrifiants de la foudre sur nos têtes étaient des éclats de victoire et d'allégresse. Sabine, son doux visage ruisselant de pluie, souriait vers moi. Elle réfugiait contre mon corps, son doux corps de bien-aimé, dans un frisson de fièvre exquise. Son capuchon imperméable protégeait sa tête et sa poitrine. Mais je me souviens qu'une fois, elle s'accrocha à mes épaules, qu'elle m'embrassa étroitement et que ce capuchon tomba en arrière. La toison blonde de ses cheveux me noya le cœur de délices. Toute ma vie, j'aurais devant les yeux sa tête charmante, sa nuque délicate, la jeunesse sacrée de sa chair sous l'intarissable averse. Je la pressai sur moi, délirant, et au milieu d'un éclat de tonnerre qui fit trembler le sol, je lui rendis ses caresses. Déjà, elle se reprenait avec douceur. Elle couvrait en souriant sa tête mouillée. Elle m'entraînait. Je tins sa petite main nerveuse comme un exquis enfant tient un oiseau, et nous courûmes jusqu'à l'endroit signalé par mes vêtements. L'enfant émergea, sortit de l'eau, et quoiqu'il manifestât une extrême frayeur à chaque éclair, cependant il vint jusqu'à nous. Sabine, qui l'avait pris d'abord pour un de nos alliés, s'apercevant qu'il était noir, en conçut tant de crainte que j'eus peine à la rassurer. Le temps pressait. Le plus grand obstacle à notre fuite était la terreur de l'enfant au coup de tonnerre. Cependant, comme il parvint à se vaincre assez pour nous accompagner, je dus plutôt me féliciter de cette circonstance, car elle me garantissait de toute poursuite pendant la durée de l'orage. D'ailleurs, je m'aperçus que l'enfant se rassurait infiniment dès qu'il tenait ma main, et j'eus alors l'intuition que son malaise pourrait bien être plus physique que moral, le contact de ma main apaisant les véritables ondulations électriques dont il était secoué. Pour quelque raison qui m'échappait, son corps conduisait mieux que le nôtre le fluide, ou du moins partageait plus nerveusement l'état de l'atmosphère. Mais cette même raison de conductibilité ou de nervosité l'apaisait à mon contact, si bien qu'il put nous diriger. Nous l'accompagnâmes en silence pendant une demi-heure. Alors ma surprise fut extrême de le voir nous engager dans une caverne, ou plutôt dans une grotte spacieuse. « Où donc nous mènes-tu » m'écriai-je. L'enfant regarda Sabine, comme pour l'engager à parler. « Vous n'êtes donc pas venu ici par une grotte ?» demanda la jeune fille, s'adressant à moi. « Non, dis-je, nous sommes venus par une espèce de rivière. » « Moi, dit-elle, j'ai été menée par des souterrains immenses. »« Pouvons-nous risquer une pareille aventure, chère Sabine ?» Et m'adressant à l'enfant, j'indiquai que nous désirions un autre chemin. Il marqua que c'était impossible, qu'il fallait s'engager dans la grotte, mais il prit un air d'assurance, comme pour une route déjà parcourue. Moi, je tremblais en regardant Sabine. Elle s'en aperçut. « Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, » fit-elle, « tout n'est-il pas préférable au risque d'être repris ?» Elle me donna sa main. L'enfant prit la mienne et nous nous enfonçâmes dans les ténèbres.